différent. Yeah. Elle était belle, ouais, elle était bonne. Elle était fraîche, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Elle était belle, ouais, elle était bonne. Elle était fraîche, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Yeah, yeah. Je rentre tard, je suis débordé. Si je rentre, t'en fais pas les tours. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais pour faire la monnaie, je me contente de ce que Dieu m'a donné. S'il te plaît, pardonne-moi. Le quartier, là, c'est danger. Si je rentre, t'en fais, ferme les volets. Yeah, yeah, yeah, yeah. Noyé dans les problèmes, mon bardia, le bolit à mes côtés. Yeah, yeah, yeah. Hey. Chargeur et un brolic, yeah, yeah. Je bombardais, c'est la police. Je m'arrête pas si y'a la police, yeah, yeah. Je serai ton clé, tu seras ma bonnie. Tout en or, j'aurai mon bonnet. On aura un amour solide. Et quand je pars, bébé, ferme les volets. Je suis dans les affaires et c'est mon frère qui m'a répété de les faire. Oh non, pardonne-moi. Je sais que ce soit la merde et c'est la dernière fois que je pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'ai ramené les condés, mais le rang t'es mort. Porter la mort du bâtiment. Écoute-moi. C'est pas ma faute si mon heure approche et qu'on n'a pas visité les continents. Et c'est pas la lune que nous visons, c'est plutôt l'ennemi en tirant. Yeah. Elle était belle, elle était bonne, elle était fraîche, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Elle était belle, elle était bonne, elle était fraîche, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Yeah, yeah. Je rentre tard, je suis débordé. Si je rentre, t'en fais pas les tours. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais pour faire la monnaie, je me contente de ce que Dieu m'a donné. S'il te plaît, pardonne-moi. Le quartier, là, c'est danger. Si je rentre, t'en fais.